L'archipel gnostique. Un podcast autour de la gnose et des gnosticismes de toutes les traditions. Bonne écoute. Ben salut Hervé. Bonjour Morgane. Bon, ben Hervé, merci d'avoir répondu à l'invitation pour l'Archipel Gnostique, le podcast. Je t'en prie. Donc, tu es auteur aux éditions Hermesia et puis tu nous as écrit un livre qui s'appelle Les enfants de Seth. C'est un très beau titre d'ailleurs, je trouve. Regard sur les premiers gnostiques. Et donc, c'est un livre assez détaillé, synthétique en même temps, qui va brasser plein de thèmes sur les gnostiques historiques, hein, c'est-à-dire les gnostiques des premiers siècles, oui. Puis tous ceux qu'on, toutes les connaissances qu'on va retrouver dans la bibliothèque de Nag Hammadi, en gros. Oui. Et voilà, bah, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené au gnosticisme, à t'intéresser au gnostique? Alors, ça remonte assez loin. À la fin de mon adolescence, je flânais dans une librairie ésotérique et mon regard a été attiré par un bouquin qui s'intitulait « Le cinquième évangile ». Alors, on reconnaît bien sûr l'évangile de Thomas hein, derrière ce titre-là, mais à l'époque, je n'y connaissais absolument rien. En revanche, je savais bien qu'il y avait quatre évangiles. Et je me disais, tiens, un cinquième, d'où est-ce qu'il sort ? Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai feuilleté le livre, évidemment, à cet âge-là, je n'y ai absolument rien compris. Comme je n'y comprenais pas grand-chose, mon intérêt est retombé, mais il n'est pas retombé très longtemps, puisque peu de temps après, un certain André Vautier, qui avait une certaine notoriété à l'époque... Et qui a publié d'ailleurs la bibliothèque de Nag Hammadi, oui. Exactement, il a publié... des traductions. C'était le premier à l'avoir fait en France, dans les mondes francophones. Mm-hmm. Il a publié donc en français des traductions d'un grand nombre de textes de la bibliothèque de Nag Hammadi ou Chenesset. Et c'est là que j'ai découvert réellement les écrits des gnostiques. Alors, évidemment, là aussi, je n'ai pas compris grand-chose tout de suite. Mais ça a attiré mon attention sur les débuts du christianisme. Je me suis dit, mais quand on lit ces textes-là, qu'on voit les messages religieux, spirituels, métaphysiques, que l'on peut deviner derrière les textes fragmentaires, les formulations étranges. Mais qu'est-ce qui se passait à cette époque-là qui a permis l'émergence de quelque chose d'aussi différent que ce que nous connaissons maintenant du christianisme, avec l'histoire officielle d'Eusèbe de Césarée au IVe siècle? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où vient vraiment le christianisme? Qu'est-ce que c'était? Or, j'ai lu beaucoup de livres plus ou moins sérieux. J'ai assez rapidement écarté ce qui manquait complètement de sérieux pour me tourner vers des publications universitaires sur la question des débuts du christianisme, qui m'a permis de comprendre que ce n'était pas aussi simple ni aussi évident que ce qu'on voulait faire croire. Puech et compagnie, quoi, c'est ça? Puech en France, mais pas seulement, beaucoup d'Américains. Assez récemment, j'ai lu beaucoup de livres de Bart Ehrman, qui est très, très, très érudit, très au point sur ces choses-là. J'ai un peu oublié les titres, j'aime pas trop la mémoire des emballages. C'est un peu ésotérique, les publications universitaires aussi. Alors, c'est ésotérique au sens où c'est ésotérique au sens où c'est complexe à suivre parce que ça fait référence à pas mal de choses qui ne sont pas de l'expérience du commun des mortels, on va dire. Mais avec de la persévérance, c'est un milieu fermé, mais Bart Ehrman écrit plutôt de la vulgarisation. D'accord, avec un peu de persévérance et puis avec une Bible à côté de soi pour revoir les passages, hein, pas oublier non plus, que il faut aussi se référer au texte directement, pas seulement à ce que les gens disent. J'ai approfondi la question. D'accord. Et je me suis replongé dans la lecture des livres de Vautier, hein, qui ont été publiés sur au moins une dizaine d'années. Il doit y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 ou 7. Oui. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé. Donc, ça remonte à C'était en quelle année? Ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je me suis vraiment replongé dans la gnose, D'accord. au sens général. Alors, Est-ce que tu as une, si c'est pas indiscret, est-ce que tu as une éducation catholique ou un parcours dans le non, christianisme officiel, on va dire, ou pas du tout, pas du tout? pas D'accord. du tout. J'ai été baptisé comme tous les gens de mon âge, je pense, ou presque, mais je n'ai jamais été particulièrement pieux ou religieux, D'accord. même si je m'intéresse depuis très très longtemps à la spiritualité au sens général et à la transcendance, en fait. D'accord. Ce qui me marque le plus, c'est la possibilité de la transcendance, D'accord. plus qu'une pratique de simple piété, tu sais, aller à l'église tous les dimanches, se D'accord. confesser, tout ça. C'est plus la possibilité de la transcendance qui va me passionner. D'accord. Et c'est ce que j'ai trouvé en relisant et en relisant les textes de Nag Hammadi principalement, mais aussi les livres de Yehou, qui ont été traduits dès la fin du 19e siècle. Et puis, donc beaucoup plus récemment, l'évangile de Judas. Je crois que c'est la publication de l'évangile de Judas à la fin des années 2000 qui a réveillé mon intérêt pour la question. Oui, ça a fait Même beaucoup si. de bruit, hein, c'est sûr. Oui, bon, alors ça a fait beaucoup de bruit, mais il faut dire deux choses. D'abord, c'est vraiment un texte gnostique, ce n'est pas du tout un texte chrétien au sens ordinaire. Donc forcément, on a une sorte d'inversion des valeurs. Oui, justement. On C'est peut. l'inversion des valeurs par rapport à ce que l'on connaît du christianisme. Et ça, comment dire? Et la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la traduction a été faite à la hâte. Et les commentaires ont été faits à la hâte. Les traducteurs eux-mêmes sont revenus sur beaucoup de leurs interprétations, avec plus de recherches sur le sens exact des phrases. Donc la publication qui a été faite d'abord par le National Geographic en anglais, puis par je ne sais plus quelle maison d'édition en France, les commentaires qui sont faits dedans sont maintenant à prendre avec des pincettes et il faudrait D'accord. relire l'état exact de la question Donc c'est work pour... in progress, les travaux sont en cours. Oui, Pour c'est ça, réinterprétation. c'est quelque chose qui ne cesse d'évoluer. C'est ça qu'il D'accord. faut bien voir. La recherche en gnosticisme, ça ne cherche d'évoluer. Ça ne cesse d'évoluer. Et puis on n'est pas à l'abri peut-être de retrouver encore d'autres textes, Voilà. etc. quoi. Voilà. Mieux. Et l'interprétation, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Le sens que les auteurs des textes donnaient aux, comment dirais-je, donnaient aux mots n'est pas forcément le même que le sens que nous donnons à ces mêmes mots. Quand on voit des termes comme Logos, Christ, Jésus, Fils de l'homme dans les textes gnostiques, ça ne veut pas dire que le sens de ces mots est le même que celui que nous leur donnons. D'accord. Ah oui, c'est-à-dire on a plusieurs siècles d'interprétations Oui. particulières qui forcément orientent notre compréhension des mots. Et du coup, si tu permets qu'on aille dans le vif du sujet, des thématiques gnostiques, dans ton livre, tu consacres un chapitre à la notion du démiurge. Bon, tu n'étais pas le seul à t'être essayé à l'exercice. Il y a le fameux bouquin de Robert Emblin sur la question. Ah oui, il est excellent d'ailleurs. Ouais. Et du coup, voilà, ça c'est quelque chose, ça paraît quand même une marque de fabrique du gnosticisme. Et puis aussi, c'est aussi ce qu'on a beaucoup critiqué chez les gnostiques, hein, cette forme de dualisme Oui. apportée avec la notion du démiurge. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment ça fonctionne, cette notion du démiurge? En quoi elle est vraiment importante chez les gnostiques et qu'est-ce que ça, à quoi ça peut aboutir en fait, comme genre Oui. de pensée et puis comme genre d'attitude, de pratique? Oui. Alors, d'abord, il faut revenir sur le mot démiurge. Il faut comprendre que ce n'est pas un terme qui est propre au gnostique. On le trouve chez Platon. On le trouve dans la philosophie platonicienne. Mais le mot démiurge signifie artisan. Hein, c'est celui qui travaille pour le peuple. Démi comme démos, le peuple, et ourgo, l'énergie, le travail. C'est celui qui travaille pour produire. Et dans Platon, le démiurge, c'est le créateur de l'univers manifesté, distinct de l'unité fondamentale. C'est un petit peu la même différenciation que l'on peut faire dans le christianisme classique entre Dieu comme origine de toute chose et le Logos, donc le Christ, donc le christianisme ordinaire, comme producteur de la création. C'est le Logos créateur. Donc on a un peu la même façon de voir les choses. Et là où le gnosticisme, dans son ensemble, va se distinguer à la fois de la philosophie platonicienne et du christianisme, c'est qu'il pose une rupture radicale entre le Dieu de l'unité, l'unité divine, d'une part, et le démiurge, qui est vu comme étant nécessairement imparfait. D'où Alors, le dualisme, en fait, c'est ça. Le d'où un dualisme, il se situe dualisme, là, en fait. C'est ça le dualisme qu'on. se situe là. Ce n'est pas un dualisme horizontal à la mode du manichéisme ou d'autres formes religieuses qui vont D'accord. opposer le bien et le mal, mis sur le même plan et constamment en lutte dans le monde manifesté, avec bien sûr la victoire ultime du bien. Quand on voit la religion zoroastrienne, si on peut dire, avec Zervanakeren, le temps éternel au sommet, et puis les forces du bien avec Ahura Mazda et les forces du mal avec Ahriman, Angra Mainyu, l'esprit mauvais, qui Oui. s'opposent l'un à l'autre dans le monde manifesté, ce n'est pas. Enfin, il peut aussi y avoir cela dans certaines formes de gnosticisme, mais à la base, le dualisme gnostique n'est pas horizontal, il est vertical. Il pose une rupture entre le monde idéal parfait, on rejoint un petit peu le monde idéal de Platon, encore une fois, et le monde imparfait de la manifestation. D'accord. Et en fait, c'est là il faut aussi faire intervenir le thème de la chute. Dans le judéo-christianisme classique, la chute, c'est l'être humain qui en est responsable et elle se produit après la création. Mais dans le gnosticisme, la chute est le prélude à la création. Il y a d'abord la chute de la première pensée de Dieu sous le nom de Sophia, la sagesse. Il y a d'abord la chute donc de Sophia ou Barbello, suivant les types de gnosticisme, et la naissance du démiurge avant qu'il puisse y avoir la création de l'univers manifesté. C'est là qu'on a vraiment une perspective totalement différente. Mais c'est une perspective que l'on retrouve de manière différente également. Ce que l'on trouve ailleurs, on la retrouve en Chine, Ah oui? bizarrement. En Chine, les Chinois observaient, comme toutes les grandes civilisations, les Chinois ont observé le ciel, et ils ont constaté que l'axe de la voûte céleste, donc pour nous l'axe des pôles, l'axe de la voûte céleste n'était pas parfaitement en haut, mais qui était décalé. Hein, on sait que il y a un nord, l'axe de la voûte céleste est au nord et non pas en haut. Il y a donc une sorte de chute. Il est tombé. Et on a un ciel antérieur et un ciel postérieur D'accord. qui est manifesté par deux agencements différents, des trigrammes, les fameux trigrammes de la tradition chinoise, donc trois étages de lignes, soit pleines, soit brisées, qui sont disposés d'une certaine manière en carré pour le ciel antérieur et d'une autre manière pour le ciel postérieur. Donc ce n'est pas quelque chose, cette différenciation entre un état originel parfait et un état secondaire manifesté imparfait n'est pas quelque chose qui appartient en propre à la tradition gnostique. On le D'accord. retrouve ailleurs. Mais par Et contre, l'explication, à savoir que c'est effectivement cette création imparfaite et l'œuvre d'un démiurge qui lui-même est imparfait, ça reste quand même peut-être une spécificité. Et ah justement, oui. la naissance du démiurge, on va pas reprendre tous les mythes à la lettre. J'invite les lecteurs, enfin j'invite les auditeurs à lire en fait ton bouquin, parce que tu racontes la naissance du démiurge. Mais Oui. est-ce que tu pourrais nous résumer en deux mots comment ça se passe en fait? Alors, D'où il bon, là vient ce encore, ça, démiurge-là? il vient, en fait, comme souvent dans le judéo-christianisme, il faut blâmer les femmes. Ah mince, Ah oui, les pauvres. dommage, hélas. Alors, si tu veux, avant de parler de cela, je voudrais rappeler la conception qu'on se faisait dans le monde de l'Antiquité de la distinction entre hommes et femmes. nous avons l'habitude de considérer maintenant hommes et femmes comme égaux et différents, comme participant l'un et l'autre de la complétude de l'être humain. Hein, on retrouve un petit peu ça chez Platon, d'ailleurs, on le retrouve aussi dans la Bible. Mais la conception ordinaire qu'on se faisait de l'homme et de la femme n'était pas la même pour la majorité de la population. À cette époque, on considère que le mâle humain est parfait, mais qu'à la femelle humaine, il manque quelque chose. La femme est incomplète. C'est quelque chose qui est choquant pour nos oreilles, c'est vrai, nous on ne voit pas les choses comme ça, mais dans leur façon de voir, la femme est incomplète. Ce qui explique la fameuse phrase de l'évangile de Thomas. On reprit un petit peu la. Oui, on leur a beaucoup reproché d'ailleurs. Les féministes ont beaucoup reproché aux psychanalystes cette notion de la complétude. C'est vrai. C'était un peu une autre époque. Hein. La psychanalyse, ça commence avec Freud et ses collègues. Non, mais c'est un peu une autre époque. Mais bon, c'est vrai qu'il y a cette tendance, je trouve un peu malheureuse, mais bon, moi, je préfère parler de complémentarité. Mais bon, c'était comme ça, on voyait les choses comme ça à ces époques-là. Et le monde était construit de cette façon-là. Alors, l'unité originelle produit une série d'émanations. Et quand on regarde les significations des noms de ces émanations, on voit qu'il s'agit essentiellement de facultés intellectuelles. On a la mémoire, on a la pensée, l'intellect, la réflexion, toute une série de facultés intellectuelles. Les fameux luminaires, en fait. Non, ce ne sont pas les luminaires encore. Les luminaires, ça vient bien après. Ça vient bien après et c'est quelque chose qui est propre à certains mouvements gnostiques seulement. Et d'ailleurs, bon, ils sont quatre et ils entourent le monde et on peut y voir un rapport avec les quatre archanges de plusieurs traditions plus ou moins occultes. Donc on est avant ça, c'est-à-dire vraiment dans… On est vraiment dans l'unité primordiale, l'unité principielle. Une cosmogénèse qui se joue au niveau de… Du monde intelligible, en fait. Du monde intellectuel, monde intelligible au sens qui est saisi par l'intellect, du monde premier et principiel. Ces émanations ne sont pas distinctes réellement de l'unité. Ce sont, ce sont des aspects de l'unité. Oui, c'est ça. Parce que dans ce qu'on appelle le plérôme, le monde originel, le monde principiel, dans ce qu'on appelle le plérôme, il n'y a pas de multiplicité. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est l'unité. La multiplicité viendra. Voilà, la multiplicité viendra après. D'accord. Alors, normalement, ces émanations qu'on appelle des éons, un mot qui a plusieurs sens, donc ces émanations normalement sont produites par pairs. Les fameuses syzygies. Voilà. Mais l'une d'entre elles s'est retrouvée toute seule. C'était Sophia, la sagesse. La sagesse n'avait pas de parèdre. Et elle s'est dit. Elle était très loin, si on peut dire, si on peut parler de distance, puisqu'on est dans l'unité. Elle était à la périphérie de l'unité, en quelque sorte. Ce sont des images, bien entendu. Et elle s'est dit, moi aussi, je vais créer. Je vais créer sans le concours du mal. Ça pose problème, puisque dans la pensée de cette époque-là, de ces gens-là, une création par une femelle sans concours du mal, c'est aberrant. Et donc, elle va produire en fait ce qu'on a aussi appelé un avorton, produit de l'avortement, le nom qui est donné au démiurge, qui, lui, va se prendre un peu pour le centre du monde, il va se prendre pour le dieu créateur. Il va tomber dans la multiplicité, puisqu'il ne reflète pas l'unité. Comme il ne reflète pas l'unité, il tombe dans la multiplicité. Il s'imagine un parmi plusieurs. Et comme il se sent puissant, il va s'imaginer le plus puissant. Et c'est pour ça qu'il va dire « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi ». Une phrase que l'on connaît par d'autres textes. Et c'est cette phrase-là qui fait dire que le démiurge est assimilé par les gnostiques à Yahvé, le Dieu d'Israël. Ce qui est à la fois vrai et faux. D'accord. Alors, juste avant de passer justement sur la thématique, sur cette thématique-là, juste par rapport au… c'est-à-dire au mâle femelle. Est-ce que alors il y a des textes qui disent que la parèdre, enfin le mâle qui correspond à Sophia, c'est le Christ en fait. Tout à fait. Ça vient après, si je comprends bien. Ça vient après. C'est dans la réparation de quelque chose qui a été incomplet, en fait. Oui, c'est ça. Le Christ, qu'à l'origine, bon, oui. Christos, mais pourquoi ils lui ont pas donné tout de suite Alors là, ah, excellente question, mais c'est, il faut bien expliquer le monde. Sinon, bah voilà, sinon, il n'y aurait pas de monde. C'est un moyen d'expliquer le monde. On serait dans une éternité voilà. De plénitude, c'est ça. Sans qu'il se passe rien. Hein. C'est ça. Ce sont toujours des moyens d'expliquer le monde, que ce soit la philosophie platonicienne, que ce soit la tradition chinoise, que ce soit le judéo-christianisme, que ce soit toute forme de cosmologie et de récits de la création cherche à expliquer le monde dans lequel nous vivons. Oui, c'est ça. Mais ça ne se contente pas de l'expliquer, de le décrire au sens scientifique du terme. Expliquer, ça veut aussi dire donner un sens. Les gnostiques, comme d'autres, constatent qu'il y a de gros problèmes de trouver une signification dans le monde. On ne parvient pas à trouver un sens global au monde dans lequel on vit. Alors, on invente des mythes. On relate des mythes qui vont donner un sens et une raison d'être à la réalité observable. Mais on le fait encore, par exemple, justement, oui. par rapport à la thématique féministe. Il y a des auteurs... auteureux contemporaines américaines qui ont vu notamment dans le viol de Sophia une sorte de schéma de même de la violence intrinsèque des hommes envers les femmes. Donc, oui. Il y a encore aujourd'hui cette volonté de vouloir expliquer le monde par des mythes. Alors des mythes anciens, mais il y a des mythes modernes aussi. Bon, c'était une petite parenthèse, mais ça continue en fait. Les mythes gnostiques inspire toujours en fait des explications de la réalité, quoi, même sociale en fait maintenant. Oui, on a toujours besoin de donner un sens au monde qui nous entoure, et les explications descriptives très utiles, indispensables, qui nous sont données par la recherche scientifique ne suffisent pas à notre psychologie, pas à satisfaire notre vie, parce que en tant qu'humain, nous avons besoin de donner un sens à ce que nous percevons. Si nous n'avons pas de sens, ben nous sommes des animaux. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Ce fameux démiurge Yahvé. Alors ça peut choquer certains de nos auditeurs tout de suite, parce qu'on a des chrétiens orthodoxes qui vont nous écouter, même des prêtres. C'est un peu la bombe atomique là, l'information. Non, mais en fait, le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le démiurge. Alors, c'est une interprétation des gnostiques qui est étayée par une série d'interprétations des textes. Hein. Bon, je réfère à mon livre pour les détails. C'est pas plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela, et j'invite les auditeurs à essayer de se procurer un excellent livre qui m'a beaucoup servi pour mes recherches, pour une fois, par une chercheuse française. C'est rare, dans le milieu gnostique, c'est très rare. La plupart des textes intéressants sont écrits en anglais. Mais là, Madeleine Scopello, non ? Sophie Petremant. Je crois que c'est Sophie Petremant. J'ai son livre pas loin. Enfin, c'est Madame Petremant, en tout cas, qui a écrit Le Dieu séparé il y a un certain temps. Alors, j'ai son livre pas loin pour me rappeler de son prénom. Simone Petremant, qui a écrit Le Dieu séparé. D'ailleurs, pour une fois, le livre a aussi été traduit en anglais, ce qui n'est pas si courant pour un texte français, qui explique bien que les gnostiques faisaient une séparation verticale entre le Dieu de l'unité, le Dieu unique, d'une part, et le créateur imparfait du monde manifesté. Et d'ailleurs, dans les textes bibliques eux-mêmes, j'ai observé, je ne sais pas si d'autres l'ont fait, je suis sûr que oui, mais bon, j'ai observé deux courants complètement différents de pensée sur la divinité. Mm-hmm. On a de très nombreux textes qui exigent des sacrifices d'animaux qui étaient faits au temple. Mm-hmm. Bon, je ne vais pas revenir sur les textes, tout le monde les connaît, mais on a des psaumes et des passages qui nous rappelle que ce que Dieu recherche, ce n'est pas le sacrifice de bœufs et tout ça, c'est un cœur vertueux. Le psaume 49, notamment. Donc, celui-là. Si j'avais voulu les animaux, je vous aurais demandé, je vous aurais dit, mais c'est. Voilà. Ça m'appartient déjà, en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. Exactement. Donc, on voit bien qu'il y a déjà dans les psaumes un courant qui renonce au sacrifice complètement et qui rappelle que bah, Dieu étant l'unité toute puissante, absolue, éternelle, ce n'est pas pour Dieu que l'on sacrifie les animaux, en fait c'est pour nous. Si on réfléchit bien, toutes les dévotions, etc., ce sont des choses qui nous servent à nous, qui nous sont utiles à nous. Et oui. Puisque Dieu étant tout, possédant tout. Bon. Alors, les auteurs des textes gnostiques qui nous sont parvenus, faut pas oublier, hein, on ne les connaît que par les textes qui nous sont parvenus, et c'est certainement pas grand-chose, et ils sont souvent incomplets, et il faut les interpréter, c'est un langage particulier, ont donc séparé en deux la divinité unique d'Israël, en distinguant l'unité absolue, d'une part, et le créateur du monde imparfait, parce qu'on ne peut pas nier que le monde soit imparfait. Je sais bien que certains disent qu'il est parfait tel qu'il est, etc. Mais c'est une question de point de vue. C'est alors toujours après, une question de point justement, de vue. Est-ce que ça vient fondamentalement des gnostiques, ça ? Parce que visiblement, de ce que je comprends de l'histoire de l'Église et de l'hérésiologie, c'est Marcion, en fait. Et Marcion n'était pas spécifiquement gnostique, au sens où ce n'est pas parce qu'il disait que il y avait une séparation entre un dieu bon et un dieu demiurge mauvais, ou au moins aveugle, que ça impliquait le salut par la connaissance ou tout un tas de théories. C'était juste une exégèse qui était tranchée, en fait, et puis qui a été du coup combattue, et que a priori, les gnostiques, certains gnostiques ont repris pour le commenter, en retrancher certaines radicalités, ou non ? Alors, Marcion, c'est autour de 150. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que Marcion soit gnostique au sens que nous donnons à la chose, c'est-à-dire à la recherche, le salut par la connaissance. Mais je suis à peu près certain qu'il y avait déjà des gnostiques avant Marcion. D'accord. Alors, pourquoi je dis cela ? Vers 180, un certain Irénée, à Lyon, publie son discours contre les hérésies, dans lequel il parle de différents mouvements, dont des mouvements gnostiques, hein, c'est chez lui qu'apparaît le terme, si mes souvenirs sont bons. Et il donne un résumé. La gnose au non-menteur, oui, c'est ça. C'est, oui. C'est qu'il y aurait des gnostiques qui seraient dans la vérité et d'autres dans l'air. Donc il y a déjà... Non, c'est une question de point de vue. Irénée prêchait pour sa paroisse. Oui, c'est ça. Oui. Il ne pouvait pas dire. Pour lui, il y avait des gnostiques qui étaient dans la vérité. C'est pas certain. Ah bon. C'est pas certain. Non, je pense que c'était quelqu'un qui était basé sur la foi et la croyance et que la connaissance lui importait peu. Et que pour lui, la gnose ne menait pas à la gnose. Enfin, la gnose ne servait n'était pas une connaissance, mais un mensonge. D'accord. Alors, il nous fait un résumé du texte qui, quand même, pour moi, c'est le texte fondateur du gnosticisme qu'on appelle sétien et même du gnosticisme dans son ensemble. C'est le fameux Apocryphon de Jean, le livre secret de Jean. On en a trouvé 4 versions. Ouais. C'est le seul texte qui existe pour nous maintenant en 4 exemplaires dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Alors, il y a 2 versions longues et 2 versions courtes. C'est quand même incroyable que parmi tous les textes, celui-là se retrouve en 4 exemplaires. Il devait avoir, pour les gnostiques du 3e, 4e siècle, il devait avoir une importance fondamentale. Et au 2e siècle, Irénée en donne un résumé. Alors, si lui, en 180, peut en donner un résumé qui est quand même beaucoup basé sur des croyances qui naissent dans le judaïsme, les éléments du gnosticisme sétien viennent du judaïsme, c'est pas... Certains ont voulu donner au gnosticisme une origine perse ou une origine uniquement platonicienne, mais quand on lit ce texte-là, c'est une réinterprétation de la Genèse. C'est une paraphrase réinterprétée de la Genèse. Donc, c'est quelque chose qui est né tout au moins dans des milieux judaïsants. Bon. Donc, je suis à peu près certain que le gnosticisme existait déjà en 150 et que Marcion était quelqu'un qui avait son propre courant, qu'on connaît très mal, bien entendu, puisqu'on le connaît par ses détracteurs, qui avait une pensée similaire à celle des gnostiques sur la question du Dieu unique et de la manifestation par un démiurge imparfait. Mais c'est pas un mouvement postérieur au IIe siècle, c'est un mouvement qui peut-être coïncide avec les tout débuts du christianisme, et même ça va plus loin. Ça va plus loin parce que dans les actes des apôtres, on lit au moment de la lapidation d'Étienne que Étienne aurait dit que la loi avait été donnée à Moïse par des anges. Oui. Alors, si on réfléchit bien, dans le texte, la loi a été donnée à Moïse par Dieu. Mais là, on y lit qu'elle a été donnée par des anges. Oui, donc là, il y a un intermédiaire qui intervient, et puis qui dit intermédiaire eh oui. dit potentiellement le démiurge. Exactement, puisque eh oui. le démiurge est le principal archonte. Bon, archonte, ange, sont des créatures spirituelles dont les noms peuvent varier. Archonte veut dire puissance en grec, hein, de arché, la puissance, l'origine, la source. Et donc, on voit que cette idée d'une distinction entre le Dieu unique et le Créateur, bien, se retrouve déjà dans les Actes des Apôtres. Et, du coup, le législateur aussi. C'est-à-dire là, il y aura une distinction oui. entre le Dieu... Oui, le Dieu unique, qui crée le monde, c'est aussi celui qui impose des lois. Législateur. D'où il après le nom des archontes, ça veut dire exact, législateur. Exact, en fait. Oui, ça veut aussi dire législateur. Qui sont, oui. qui oui, sont oui. Les fils, si je comprends bien, du demi-urge, en fait. Oui, les émanations, les mythes sont embrouillés, ce sont toujours des images, donc on peut dire mais, les mais fils. Mais du coup, on retrouve aussi cette idée-là un petit peu chez Paul, avec l'idée de la loi, toute sa rhétorique eh ben voilà. sur la loi. Eh ben voilà. D'ailleurs, beaucoup de gnostiques se réclament de Paul. Eh oui. Paul, c'est l'apôtre par excellence pour les gnostiques. Ils ont même échafaudé, alors est-elle vraie, n'est-elle pas vraie, je ne sais pas, une succession apostolique de Paul à je ne sais plus quel disciple, à je ne sais plus quel disciple. Ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, on ne peut pas être certain de la véracité des successions à cette époque-là. On n'a que des écrits, datant de plusieurs siècles plus tard. Donc, on n'a pas de certitude. Même les chercheurs les plus érudits ouais. n'ont pas de certitude sur quelques successions que ce soit. C'est encore une fois, c'est une question de foi, on va dire. Mais justement, peut-être, c'est peut-être une parenthèse, mais dans la lettre à Flora de Ptolémée, qui est un disciple de Marcion, je crois, oui. mais très influencé par les gnostiques et par Valentin, il parle de deux choses, c'est-à-dire déjà d'essayer de distinguer entre guillemets le vrai du faux de l'Ancien Testament, ou au moins entre qu'est-ce qui est de l'ordre de la législation donnée par les hommes pour répondre à des problèmes du temps, qu'est-ce qui est de l'ordre de la législation donnée par le demiurge, hein, c'est-à-dire pour un petit peu maintenir sous un étau les volontés de libération, et qu'est-ce qui est de l'ordre des recommandations du Dieu parfait, quoi, du Dieu voilà. unique, qu'est-ce qui est de l'ordre du chemin pour le rejoindre. Et donc ça, c'est un petit peu une vision un peu mitigée. Alors, est-ce qu'il faut, entre guillemets, est-ce qu'il faut nécessairement être radical, c'est-à-dire tout rejeter de l'Ancien Testament quand on est gnostique, en disant, mais en fait, c'est le vieux barbu un peu fou qui nous a pondu toutes ces lois, qui ne nous servent à rien. Est-ce qu'il y a des positions chez les gnostiques un peu plus mitigées? Parce qu'on retrouve, par exemple, dans la Pistis Sophia, les psaumes de David, les autres de Salomon. On oui. retrouve après aussi le fameux mythe de Sabaoth, oui. Le dieu des armées de la Bible, qui là, dans certains textes gnostiques, revient un peu sur le devant de la scène comme oui, c'est un réparateur. Voilà. C'est un réparateur. C'est des questions assez complexes. D'abord oui. sur la question de l'interprétation de l'Ancien Testament oui. par à l'extérieur du judaïsme. Hein, on va laisser le judaïsme, intact en quelque sorte, parce que là, on a une tradition ininterrompue depuis au moins 3000 ans. Hein, donc, on va laisser le judaïsme intact. Mais à l'extérieur du judaïsme, l'Ancien Testament, il a fait l'objet de beaucoup de réinterprétations. Lorsque les premiers chrétiens se sont en quelque sorte emparés des textes en disant qu'ils étaient, ça c'était avec... comment s'appelait-il déjà, juste un martyr, en disant qu'ils étaient le Verus Israël, le véritable Israël, il y a eu un travail de recherche dans le texte pour déterminer ce qui était des préfigurations du Christ, donc des messages allégoriques annonçant l'incarnation, et ce qui était du domaine de la loi qu'il fallait suivre. Puisque même si Paul dit que maintenant on est sous la loi d'amour du Christ et non pas sous la loi de restriction de Moïse, dans les évangiles on lit tout de même que je ne suis pas venu abolir la loi mais la, comp- l'accomplir, voilà, l'accomplir. Oui. La rendre complète. C'est ça. L'accomplir, c'est pas la terminer, c'est la rendre complète. Il faut faire attention au sens des termes. Nos traductions en français moderne se basent trop souvent sur le mot latin ou grec et pas assez souvent sur le sens réel du mot. Donc, la compléter plutôt que l'accomplir. Ah. Et donc, il fallait bien savoir ce qui était du domaine historique, donc anecdote historique, ce qui était du domaine allégorie annonçant le Christ, et puis ce qui était du domaine règles à respecter. Ça a fait l'objet de nombreuses... Mais finalement, c'est une thématique qui revient énormément avec les... Bon, là, je fais un petit peu mon rôle d'intervieweur, c'est de recontextualiser par rapport à ce qui se passe dans notre société. Mais justement, toutes les réflexions en ce moment qu'il y a sur la violence des textes religieux, en l'occurrence la violence qu'il y a dans le Coran, mais on peut trouver aussi de la violence dans la Bible avec des tout autant massacrés, et puis des lois sur l'homosexualité, la condamnation de l'homosexualité, etc. Donc là, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution diagnostique en disant oui, mais toutes ces lois-là, en fait, elles ont été faites par le demiurge, donc c'est normal que... soit entre guillemets mauvaise ou... Alors, ce que les gnostiques vont prêcher, alors je ne parle pas au nom d'une église gnostique ou d'une autre actuellement. Ce que les gnostiques vont prêcher, d'après ce que j'ai compris des textes que j'ai lus et d'après mes réflexions personnelles, c'est la conscience. Faire les choses en conscience. Faire les choses en se rappelant de l'unité primordiale. Ne pas essayer de ne pas se laisser influencer par la multiplicité qui sera désordonnée, chaotique, mais essayer de toujours se rattacher à un absolu d'unité. Non pas une loi posée en dogme, non pas une croyance posée en dogme, mais essayer de se dire, est-ce que cela sert le rapprochement de l'unité ou est-ce que cela le dessert ? Est-ce que dans les actes que nous posons, nous sommes dans une voie droite, ou bien au contraire, est-ce que nous sommes dans une voie tordue ? Est-ce que nous allons vers une lumière transcendante ou est-ce que nous allons dans des ténèbres brumeuses ? C'est, pour moi, c'est la question que la gnose, le mot signifiant connaissance, c'est la question que la gnose nous appelle à nous poser. À chaque étape, dans toutes les étapes. À chaque étape. C'est une voie, pour moi, c'est une voie de réflexion, de réflexion intérieure et d'observation détachée et d'analyse profonde, de ne pas se laisser avoir en quelque sorte par justement les archontes. Alors autrefois, on voyait les archontes comme des êtres réels. Maintenant, je sais que beaucoup de gnostiques y voient des mécanismes psychologiques. Oui, justement, oui, c'est vrai que là, on parlait du demiurge, etc. On était plus dans la théologie, l'exégèse. On pourrait en parler encore longtemps avec la réinterprétation des mythes, etc. Mais là, en gros, à quoi ça correspond pour toi dans notre fonctionnement humain, quoi, c'est-à-dire dans notre expérience. Voilà. Alors, la psychologie, par exemple, pour le demiurge. Je vais reprendre les thèses de beaucoup de psychologues qui se sont penchés sur la question, mais j'ai oublié les noms. Ah mince. Ah bah oui, malheureusement. Bon, c'est relativement simple. C'est relativement simple. C'est que nous avons un soi essentiel et nous avons une personnalité extérieure. D'accord. Qui est conditionnée par notre environnement, par notre éducation, etc. Et on sait bien qu'on est tous un peu égoïstes. Notre personnalité extérieure, elle est centrée sur le je, l'ego, le moi, je veux, je suis, etc. Et c'est ça le démiurge. Moi, d'accord, je suis tout puissant dans ma vie, je fais ce que je veux, je crée le monde à mon image. C'est ça le démiurge. C'est un peu le principe narcissique, en quelque sorte, de la psyché, quoi. Oui, d'accord, en quelque sorte. C'est le fameux ego, mais au sens négatif du terme, pas du d'accord tout au sens positif. C'est le jeu qui ne se rend pas compte qu'il n'est pas le seul être existant dans l'univers, mais qu'il est face à d'autres lui-même. Oui, mais en même temps, c'est lui qui crée son monde, en fait. Ah, donc, voilà. Donc, c'est pas forcément négatif. Hein. L'ego, il a une fonction aussi, en quelque sorte, qui est de créer justement le multiple, et puis à ce qu'après, on puisse se déplacer dans tout cet univers... dans la matrice, quoi, en quelque sorte. Oui, et justement, vous voyez, on nous dit sans arrêt, dans tous les textes ordinaires, je veux dire, que j'ai lus sur le gnosticisme, on parle du mauvais démiurge. Bon, j'ai épluché tous les textes que j'ai pu trouver. Mot mauvais, je crois pas. Hein. Eh bien, voilà, à aucun moment, le démiurge n'est qualifié de mauvais. On lui donne trois noms, Dans les textes sétiens, on lui donne trois noms. On l'appelle Samael, ce qui veut dire l'aveugle. Il ne voit pas. Il est ignorant, il ne voit pas. On l'appelle d'un autre nom qui signifie idiot, sa classe, idiot, imbécile. Le il réfléchit fou pas. aussi, non? Le fou, l'idiot, l'imbécile, il ne réfléchit pas. Il est impulsif, il fait des choses n'importe comment. D'accord. Et on l'appelle Yaldabaoth. Ah, ça, c'est le nom. Le nom qui a fait couler. Ça en jette un peu, ce nom-là. Oui, hein, c'est Yaldabaoth. C'est impressionnant. Voilà. Et c'est un nom qui a suscité de nombreuses interprétations. Moi, je me rattache à l'interprétation bâtard, de. Ben, on ne sait pas trop d'où il vient. Il y a eu plusieurs interprétations. Bon, je me rattache à comment dirais-je, à une interprétation qui fait de lui l'enfant. Comment c'est? Yeled, c'est l'enfant. Hein, on est en grec, en hébreu, pardon. J'ouvre ton bouquin. L'enfant du père. L'enfant sans père. Nom de Yaldabaoth. Yahou El Adonai Tzabaoth. Oui. Ça, c'est une interprétation qui est bizarroïde. On peut le voir comme ça. L'enfant du chaos. Alors, on peut aussi le voir comme l'enfant du chaos. Ouais. Et d'étymologie voilà. Araméenne. Oui. Yaldabaoth. Baoth, enfant du chaos. Alors. Seigneur moi, Dieu vois... des pères aussi. Oui, ça ne colle pas trop. Fils alors... de la honte. Oui. Yaldabaoth. Oui. Tu recherches l'étymologie que tu recherches aussi, tu mais. Non, ce n'est pas. Non, ce n'est... C'était pour Barbello que j'avais une étymologie, ah, ce n'était pas pour Yaldabaoth. Alors, donc, pour reprendre, on a donné beaucoup d'étymologies diverses. Hein, on n'est pas absolument certain, finalement, du sens de Yaldabaoth. J'aime bien mon interprétation personnelle, c'est justement un syncrétisme, une fusion entre un mot hébreu, Yeled, Yalda, et puis un mot grec, boutos, l'abîme, la profondeur. Donc Yalda Baoth, Yalda Boutos, ce serait l'enfant des profondeurs, l'enfant du chaos. Mais parce que le problème de l'étymologie araméenne Yalda Baoth avec Baoth pour chaos, c'est que le mot chaos, le mot Baoth en araméen n'est attesté nulle part. Et puis en plus, ça fait sens que il naît des eaux, il naît d'un reflet sur les eaux, il me semble. Alors oui. Du reflet de Sophia. Sophia s'est reflétée sur la périphérie, sur les eaux de la périphérie, et c'est son miroir, c'est son reflet en fait qui est devenu le démiurge. C'est assez imagé. C'est cool. On a une image un peu dantesque, une sorte de d'océan noir avec un reflet lunaire et puis une créature qui jaillit de l'océan. Mais ça nous montre aussi que c'est une ombre. Ouais. Et ça nous rapproche de l'interprétation psychologique où si on dit que le démiurge, eh bien, c'est notre personnalité extérieure, notre ego, eh bien, en fait, notre ego n'est qu'un reflet de notre soi essentiel. Et c'est quelque chose qui est inconsistant. Et donc, le démiurge en lui-même est inconsistant. Il n'a pas, ce n'est pas un être à part entière. Et puis d'où aussi l'illusion, que finalement, la multiplicité et le monde, c'est une vaste illusion. Et bien voilà. Et à c'est la réalité, dans la réalité du pléome. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à une interprétation du gnosticisme qui n'a rien à voir avec celle que les hérésiologues ont donnée. Ce n'est pas. Une forme de spiritualité qui oppose Dieu et la matière, c'est une forme de spiritualité qui oppose la conscience de l'unité avec la perception de la multiplicité chaotique. Très intéressant. La conscience et la perception. Très intéressant. Ce qui est réellement, c'est l'unité de toute chose. Ce que nous percevons, c'est une multiplicité désordonnée. Et donc, vaincre les archontes et le démiurge, c'est parvenir à retrouver l'unité. Là, on se rapproche de beaucoup de philosophies indiennes, avec le concept de la Maya, l'illusion. Absolument. On se rapproche de ce qui a été beaucoup utilisé par les théosophes de l'école de Blavatsky de la fin du XIXe siècle, la notion du voile d'Isis. Il fallait écarter le voile d'Isis pour percevoir la réalité. Eh bien, c'est ça, c'est cette idée que notre perception est bloquée d'une façon ou d'une autre, elle est déformée, nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Et d'ailleurs, je vais y venir tout de suite, ça se retrouve ailleurs. Nous ne verrons pas les choses telles qu'elles sont, et il faut briser la glace, écarter le voile, détruire la Maya, tuer le démiurge, pour parvenir à voir au-delà de ce verre fumé dont nous parle Paul. Aujourd'hui, je vois comme à travers un verre fumé, mais demain, je verrai face à face. C'est ça. C'est pour ça aussi, qu'on peut... pour revenir sur justement les mythes hindous, moi, c'est une petite parenthèse, mais pour illustrer ce que tu dis, le mythe, en fait, malheureusement, c'est un peu délicat de parler de ça dans le contexte actuel, la décapitation du dieu créateur Brahma par Shiva. C'est pas mon domaine. Donc là, je n'y connais pas. Il y a le dieu créateur, c'est le créateur des mondes. Le démiurge, en fait, c'est le dieu Brahma. Et puis à un moment donné, il se prend pour le dieu suprême. Et vis-à-vis de. Alors, c'est une histoire, en fait. Il y a une colonne de lumière qui apparaît, qui est en fait Shiva. Et Brahma et Vishnu se demandent jusqu'où va-t-elle, aussi loin dans le ciel qu'en profondeur. Donc il y a Vishnu qui descend et puis il descend aux plus profondeurs de la terre et il n'en voit pas le bout. Et il revient en disant j'ai pas vu le bout. Et Brahma, lui, il se transforme en cygne en fait et il s'élève dans les plus hauts cieux si tu veux. Mm-hmm. Et puis lui, par contre, il ment. Il dit qu'il en a vu le bout en fait. Et quand ils se retrouvent tous les deux, on va dire au niveau intermédiaire, en fait, c'est la colonne se révèle comme étant Shiva. Et puis, Shiva punit en fait Brahma, donc qui est le dieu créateur, le demi-urge, de son mensonge. Il coupe la cinquième tête. Alors après, il lui arrive tout un tas de misères à Shiva parce qu'il se rend coupable de crimes. Donc là, après, on a, je pense, aussi toute cette notion de voie antinomique en fait, où on se fait un petit peu le vilain petit canard, quoi. C'est la voie des moutons noirs aussi parfois. Ouais. Et non, mais c'est ça. Alors du coup, là, il y a vraiment l'idée d'aller au-delà d'illusion en coupant la tête de celui qui l'a créé. Quoi. Il crée l'illusion par la déformation de la vérité. Oui. C'est ça qui est... C'est intéressant. Je ne connaissais pas ce mythe-là. C'est une voie de libération, un peu prométhéenne aussi, dans le sens... Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, Prométhée vole le feu pour le donner à l'humanité, mais le feu, c'est le pouvoir de l'intellect. Tout simplement. Il y a des liens très puissants pour moi entre le mythe de Prométhée et le mythe du serpent dans la Genèse. C'est la question d'ouvrir les yeux, voir une lumière. Et justement, alors peut-être pour terminer sur le demiurge, avant d'évoquer quand même un petit peu des aspects plus pratiques, tu pourrais peut-être nous donner cette réinterprétation de la Genèse par les gnostiques rapidement. Alors. Rapidement, c'est pas vraiment possible. Allez, vas-y, choque tout le monde, choque toutes les églises qui vont nous écouter. Oh, je pense qu'ils ont entendu bien pire que cela. Tu sais, dans les enseignements catholiques, on parle quand même du prince de ce monde. Oui. Hein, et qu'il faut absolument sanctifier la vie pour qu'elle puisse rejoindre l'unité. Donc, il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas d'opposition radicale ce que la gnose dit fondamentalement, ce dont on vient de parler pendant un quart d'heure, et ce que le catholicisme ou même les églises protestantes vont dire, puisque c'est toujours une question de resanctification, Le mot signifiant royaume aussi bien en hébreu qu'en grec signifie également règne. C'est-à-dire que le royaume n'est pas un lieu. Oui, le royaume n'est pas un lieu, c'est un état. Où ceux qui gouvernent, ce n'est plus la multiplicité, c'est un état où ceux qui gouvernent, c'est l'unité. Absolument. Pour moi, c'est le message premier de tous les mythes gnostiques, parce que ce sont des mythes, ce sont des histoires, ce ne sont pas des réalités historiques, ce ne sont pas des événements qui sont arrivés, ce sont des interprétations de textes pour reconstruire de nouveaux mythes qui expliquent et qui donnent un sens au réel. Et qui permettent de rejoindre la lumière, que ce soit le feu prométhéen des Grecs, que ce soit le serpent donc de la Genèse. La connaissance du bien et du mal, ce qui à l'époque voulait dire de toute chose, et non pas simplement du bien et du mal au sens moral du terme. Hein, on a tendance à plaquer les mots sur nos concepts, mais dans le cadre du Moyen-Orient d'il y a 2500 à 3000 ans, à l'époque où la Genèse a été écrite, enfin, écrite, mise par écrit. À cette époque-là, on a d'autres attestations de ce fait dans des textes mésopotamiens et d'autres textes de la région. Le fait de connaître le bien et le mal, ce n'est pas au sens moral. Connaître le bien et le mal, c'est connaître tout ce qui existe. Et c'est pour ça que les êtres humains deviennent ainsi comme des dieux. Et donc voilà, qu'est-ce que nous disent les gnostiques par rapport à ça? Alors, Bien, donc là, ils quelle nous est disent, l'inversion qui se fait là? Parce qu'il y a une l'inversion inversion quand qui se même. fait, c'est que le serpent, c'est l'envoyé du Dieu unique. Et le Dieu qui enferme Adam et Ève dans l'enclos, parce que Gan, c'est enclos, le Gan Eden, c'est l'enclos d'Éden, qui enferme Adam et Ève dans un enclos, donc prisonnier. Ce Dieu-là, ce n'est pas le vrai Dieu, avec des guillemets partout. C'est justement le démiurge, le créateur du monde manifesté pluriel. D'accord. Et le serpent est vu comme un libérateur. Alors, les gnostiques, pour pouvoir dire cela, s'appuient sur l'épisode de Moïse et du serpent d'airain. Eh oui. Le serpent qui est libérateur contre la souffrance imposée par les morsures des autres serpents. Donc D'ailleurs, là, c'est le Nahas, c'est ça, le c'est le Nahas. Nahash. Nahash, c'est le mot qui veut dire serpent en hébreu. D'accord. Et donc c'est lui qui vient réveiller. Adam et Ève, prisonniers du jardin, c'est C'est ça. lui qui vient rappeler à Adam et à Ève leur nature fondamentale qui est lumière. Je vais y revenir, j'en parle dans mon bouquin. Qui vient réveiller Adam et Ève à leur nature fondamentale et qui leur permet de quitter l'enclos. Mais l'ennui, quand on a des connaissances et du pouvoir et une certaine liberté, ben, c'est qu'on est face à plein de difficultés parce qu'on doit tout gérer tout seul. On n'est plus aidé par un gentil parent qui enlève les pierres du chemin, qui nous protège contre les bêtes sauvages. On n'est plus dans l'innocence de l'enfance. On est dans la responsabilité de l'âge adulte, ce qui implique la souffrance. Connaissance implique souffrance. Alors, du coup, cet enclos, ce jardin d'Éden, c'est pas un lieu de l'unité, alors pour les gnostiques, c'est pas là le lieu de Du tout, l'unité. du tout. C'est une Et prison. C'est la quand prison de la même. matière. Alors, je Et parlais de pourtant, la lumière. prison de la matière, à ce moment-là, ah oui, la matière est créée pour à ce Ben moment-là. oui, la matière est créée par. Enfin, la matière. Ce qu'on Et le appelle corps matière, c'est la de. perception de la matière. Pareil, l'être humain. Alors, en fait, la conception de l'être humain pour les gnostiques est très comparable à celle de la philosophie platonicienne et des autres D'accord. philosophies de cette époque-là. C'est-à-dire que nous sommes un esprit dans un corps. Pour simplifier, hein, en sachant que le mot esprit n'a plus le sens maintenant qu'il avait autrefois. Rappelons que esprit en français vient de spiritus en latin, qui signifie vent, un souffle d'air, que âme vient du mot latin animus, qui signifie vent, un souffle d'air. Et c'est la même chose pour les mots similaires en grec, avec pneuma, qu'on retrouve dans pneumatique, et en hébreu, avec ruach, qui est l'air, tout simplement. C'est pas l'âme, c'est l'air. On pourrait parler des pythagoriciens, avec leur refus des fèves, qui provoquaient des flatulences, qui étaient censées être des âmes. Bon, bref. D'accord. Donc le mot esprit, dans le sens ancien, le mot spiritus, le mot ruach, le mot pneuma, c'est l'air. D'où le baptême d'esprit, c'est un baptême de souffle, en fait, hein, dans les évangiles. Donc, je parlais de lumière, je voulais dire qu'en fait, le mot qui est employé pour lumière dans le texte grec de la Genèse, pas dans le texte hébreu, dans le texte grec, parce que la plupart des gens à l'époque lisaient l'Ancien Testament en grec et non pas en hébreu. On parle des judaïsants, pas des juifs orthodoxes, hein. D'accord. Le mot, c'est phos, mais phos, suivant l'accent qu'il porte, et les accents, on sait bien qu'on ne les met pas toujours, suivant l'accent qu'il porte et suivant le genre qu'il a, masculin ou neutre, peut signifier soit lumière, soit être humain. Donc, pour les gnostiques, pour certains gnostiques, parce que là encore, le schéma, le domaine est si vaste, la première création de Dieu l'unique, pas le démiurge, c'est phos, c'est-à-dire à la fois la lumière et l'être humain. L'être humain en tant que soi essentiel. Donc l'être humain essentiel est lumière. Et il est la première création. Ce que les kabbalistes vont appeler Adam Kadmon ou Adam Harishon. L'homme premier, enfin l'Adam premier, l'Adam des origines. D'accord? Le but aussi bien des kabbalistes d'ailleurs que des gnostiques, c'est de retourner à cet état primordial originel. donc de retrouver la lumière pour les gnostiques et de restaurer le corps divin, Adam Kadmon, pour certaines écoles de Kabbale. D'accord. Donc, alors pour les gnostiques, ce serait l'éon Anthropos, en fait. Anthropos, c'est ça, non? Alors ça, c'est dans le système valentinien que je n'ai pas étudié en détail. On va finir par perdre tout le monde. Là, je ne sais pas bien comment quand même. Le système valentinien me semble inutilement compliqué. Je l'ai survolé. Oui, c'est vrai. Je l'ai survolé. C'est basé beaucoup sur l'exégèse de l'évangile de Jean, en fait. Donc, ouais. Toute phrase de Jésus est susceptible de donner naissance à des éons, en fait. Et voilà. C'est pour moi, c'est plus tardif. C'est pas un système primitif. Et mon intérêt, c'est toujours de retrouver la racine des choses. C'est pour ça que dans ma recherche sur le gnosticisme, je me suis intéressé à la philosophie platonicienne, à l'histoire du christianisme, au judaïsme beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec la Kabbale aussi. Hein, j'ai lu énormément là-dessus. Bon, n'étant pas juif moi-même, alors j'ai une attitude assez particulière là-dessus parce que pour moi, si on n'adhère pas pleinement à un système, ça ne vaut pas vraiment la peine de le travailler. D'accord. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Oui, c'est vrai qu'en même temps, c'est plus difficile de rentrer dedans quand on n'y adhère pas. Hein. Ben oui, c'est vraiment une question d'honnêteté intellectuelle. Donc, étudier, apprendre, comprendre, oui. Pratiquer et sans réclamer, ça me semble délicat. Tu parles de quel système là ? Je parle de tous les systèmes. Bon, moi, en particulier la Kabbale, parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé avec, dessus. Mais je ne peux pas m'intituler kabbaliste ou quoi que ce soit de ce genre-là, même si j'ai des notions assez suffisantes sur ce qui est publié. Encore une fois, le principe de tous les enseignements véritablement spirituels, c'est qu'ils sont oraux. C'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre à notre époque. On est inondé de livres. Mais la transmission, c'est d'abord par la parole. Mais ça se voit d'ailleurs même chez les gnostiques. Alors, du coup, paradoxalement, ça se voit dans les textes, mais les dialogues, notamment le dialogue entre Hermès et son fils, mais dans un cadre gnostique, l'Ogdoade et l'Énéade, le fameux texte, c'est un dialogue. C'est pas un texte gnostique, c'est un texte hermétiste. Ouais, mais gnostique, mais il est dans la bibliothèque de Nag Hammadi, voilà, comme des traités platoniciens qui sont aussi. On ne peut pas dire que Platon soit gnostique, mais c'est pas un texte gnostique, l'histoire de l'Énéade et de l'Ogdoade à l'Énéade. Il aurait plus sa place dans le Corpus Hermeticum. D'accord. Avec ça fait quand même les Hermès à Tate, c'est ça. Avec le dialogue entre père et fils. Enfin le père étant donc le dieu et le fils étant le disciple, le prêtre. Il aurait plus sa place là-dedans, mais bon. D'accord. Peut-être on va passer, si tu le permets, à des aspects justement un peu plus pratiques. Là, tu parlais de ton rapport avec la Kabbale. Bon, tu écris beaucoup de livres sur la magie, alors pas la prestidigitation. Pas beaucoup. T'en as écrit peut-être trois. Voilà, pas sur la prestidigitation, mais la magie au sens qu'on entendait justement à l'époque. Oui. Est-ce que du coup, tu peux nous dire des choses sur les pratiques des gnostiques et la différence entre les pratiques des gnostiques de cette époque-là et ce qu'on peut aujourd'hui vivre quand on va à l'église et dans les sacrements, etc. Ah, ouais, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Je ne vais pas chercher à donner une définition de la magie. Je crois qu'il y a à peu près autant de définitions de la magie que de gens sur Terre. Mais on va d'abord rappeler quelques petits faits. Dans l'Apocryphon de Jean, le livre secret de Jean, donc en quatre exemplaires à Nag Hammadi, ce qui souligne son importance, on a des séries de noms. On a des séries de noms pour les signes du zodiaque, une série de noms pour les planètes, une série de noms pour les éléments, une série de noms pour les parties du corps, certaines parties du corps. Et on sait, ça on le sait factuellement, qu'au Moyen-Orient ancien, et dans beaucoup d'autres cultures, le nom est porteur d'un pouvoir magique. On le voit dans les textes égyptiens, on le voit dans les textes babyloniens. Connaître le nom d'une entité, d'une réalité, d'un être, d'une chose, c'est avoir du pouvoir sur elle. Alors, lorsque l'auteur de ce texte, ou les auteurs de ce texte, qui a probablement été remanié à plusieurs reprises, lorsqu'il nous donne ces listes de noms, dont on ignore la provenance exacte. Hein. On ne sait pas si c'est l'auteur lui-même qui les a concoctés ou s'il les a empruntés ailleurs. Selon certains, il les a empruntés à un autre système magique qui n'a pas survécu. Lorsqu'il nous donne ces listes de noms, c'est pour nous donner des armes. C'est pour nous donner des armes contre les puissances démiurgiques. D'accord. Et ainsi, en faisant des talismans, des rituels, diverses opérations magiques, eh bien, on peut se prémunir contre ces puissances. On a retrouvé un certain nombre d'intailles, de gemmes gravées, avec des figures assez particulières, comme l'amphisbène à tête de coq, hein, souvent appelé Abrasax, ou le serpent à tête de lion, appelé Khnoumis. Qui portent donc des noms particuliers, comme Yao également, ou Yaldabaoth aussi, avec Ouais. différentes orthographes. Et on les a appelés, on les a groupés sous le nom de gemmes gnostiques. Bon, c'est très possible, même si il y a une grande incertitude là-dessus. Et on est en droit de se demander pourquoi on voudrait porter une pierre précieuse Avec le portant la nom, oui. gravure d'une entité que l'on considérerait comme maléfique. Ben oui, c'est un peu étrange. Eh bien, c'est parce que si nous avons en main l'image et le nom de cette chose, nous avons du pouvoir sur elle. D'accord. C'est ce qu'on appelle quelque chose d'apotropaïque, de protecteur. C'est un moyen de se protéger contre l'influence En plus. du démiurge ou des éons. Ah, c'est mon interprétation. C'est intéressant, mais En tant que étudiant de ouais. l'occultisme, c'est mon interprétation. Mais on voit aussi, bon, moi je connais un petit peu mieux les systèmes hindous. Mais il y a aussi ces idées de correction, ce qu'on appelle les corrections planétaires. Ça, quand on est dans notre thème astrologique, on a une influence néfaste de telle ou telle planète, on va porter en fait le gemme qui La correspond à gemme. cette planète. On va faire le mantra qui correspond à cette planète en fait. Voilà, exactement. Pour moi, ça participe du même principe. C'est Alors, ça. les hélésiologues ont souvent accusé les gnostiques de pratiques magiques qui sont rarement détaillées. On a un récit de ce qui se passait dans l'église d'un certain Marcos, qui lui pratiquait des Commandant rituels Marcos. qualifiés non, c'est pas du tout la même chose. Si mes souvenirs sont bons, c'était dans ce qui est maintenant la Turquie, le sud de la Turquie. D'accord. Les Marcosiens donc, pratiquaient sur l'autel de leurs églises des rituels qualifiés de magiques où l'eau était transformée en vin ou en sang par un procédé ou un autre, hein, certainement chimique. Euh, Et en même temps, et c'est ce que font tous les prêtres de l'Église, normalement. euh, mais quand je dis qu'elle était transformée en un liquide rouge, c'est que c'était réel. Le Ah liquide passait de oui, transparent à d'accord. rouge. Ah oui, comme Hein? Oui, oui. les hosties sanglantes du Oui, père, comment il s'appelait, Vatras. c'est ça. D'accord, Oui, bon, c'est la matérialisation poussée à son point le plus extrême. Alors, j'ai quelques doutes sur la validité des témoignages antignostiques des chrétiens des premiers siècles. N'oublions pas, il y a quelque chose qu'il faut dire aussi, c'est que c'était un très petit milieu. Il y avait peut-être 2 ou 3% de la population de l'Empire romain qui s'intéressait à ces choses-là sur l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est minuscule. Ces gens avaient, aussi bien les chrétiens qui sont devenus les chrétiens modernes, donc l'église primitive, comme on dit souvent, les proto-orthodoxes, aussi Oui. bien ces mouvements-là, parce qu'on sait qu'il y en avait plusieurs, que les mouvements gnostiques étaient un peu comparables, toute proportion gardée, hein, aux différents mouvements pseudo-spirituels qui se partagent aujourd'hui, excusez-moi, des bandes de gogos qui sont prêts à donner tout leur argent pour un espoir de salut. Hein, ce C'est qui des n'enlève sectes en rien. fait, des sectes. Alors, le mot est fort et le mot secte n'avait pas à l'époque le même sens que Non, maintenant. sûr. Je ne sais pas si on peut les qualifier de secte, mais bon. On va dire que oui pour simplifier les choses. Hein, on va dire que oui pour simplifier les choses. Et bien entendu, ils luttaient les uns contre les autres parce qu'ils voulaient récupérer des clients. Tout bêtement, ils voulaient augmenter leur cheptel. Il leur fallait plus de fidèles pour s'assurer une vie confortable. Et Du coup, ils utilisaient malheureusement, c'était bien ça. les pierres Du magiques coup, pour ça. alors, je pense pas. Non, du coup, ils calomniaient leurs adversaires. Ben Du coup, ils oui. calomniaient leurs Le adversaires. classique. Ben oui, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est ça. C'est pas compliqué. Alors, parce que ce ne sont pas des documentaires filmés comme on pourrait en faire maintenant, et même les documentaires filmés d'aujourd'hui sont sujets à caution parce qu'on fait ce qu'on veut dire, on peut dire ce qu'on veut aux images. Donc, ce ne sont pas des documentaires filmés, ce sont des récits. Ce sont des récits faits dans un intérêt particulier qui est celui de dénigrer, de dévaloriser l'adversaire. Bon, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'un acte magique ? Un acte magique, c'est un acte acausal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport direct entre l'opération qui est faite et le résultat que l'on souhaite obtenir. Comme par exemple, graver une pierre avec une figure particulière ou un nom particulier afin d'être protégé de telle ou telle influence. Il n'y a pas de rapport direct. C'est un rapport symbolique. C'est analogique. Un rapport analogique, voilà, et sympathique. Les choses se font ensemble, par sympathie. Par transmission de... C'est pas de... Non, pas par transmission, mais par reflet d'une influence, par résonance. Mais j'aime bien le terme résonance appliqué à cela. D'accord. En fait, il faut aussi y adjoindre la notion de parole performative. La parole agit. Comme par exemple lorsque l'on dit « j'ouvre la séance » ou « la séance est ouverte ». Rien ne s'est passé, rien n'a été fait. Mais maintenant, la séance est ouverte parce que je l'ai dit. Eh bien, aussi bien dans les sacrements religieux que dans les opérations magiques, c'est le même principe qui est à l'œuvre. J'associe tel geste à tel symbolique, dont participe aussi tel résultat. Et j'associe telle parole à tel symbolique, dont participe aussi tel résultat. Et ainsi, lorsque je joins le geste à la parole ou à quelque opération que ce soit, par résonance sympathique, le résultat est obtenu. Donc même, par exemple, le baptême, c'est-à-dire que plonger dans l'eau, oui, revient à plonger l'âme dans un état particulier avec une parole qui est associée, qui va rendre effectif, oui, ce qui se passe, oui, qui est symbole aussi. Voilà. Qui est effectif. Donc, c'est, en fait, c'est indubitable. Ce que tu es en train de dire, c'est que les sacrements chrétiens, c'est de la magie, en quelque alors, sorte, dans cette définition. Alors, j'aimerais pas que ce soit réducteur. Je n'aimerais pas que ce soit réducteur. Je dirais plutôt que la manière dont sont faits les sacrements dans toute religion que ce soit, dont le catholicisme, dont toutes les formes de christianisme, c'est une façon de faire dont j'ai pu constater l'opérativité aussi bien dans le christianisme que dans d'autres formes, en particulier dans les formes de magie que je pratique. D'accord. C'est quelque chose qui dépasse la distinction entre religion et magie. D'accord. Ça va au-delà. Il y a une... cette résonance, pour moi, cette résonance a une réalité. C'est une clé qui c'est une peut clé aussi opérative. Bien expliquer un culte qu'un autre, en fait. Quoi. C'est ça. Oui. Alors, attention, le culte se rattache à une certaine symbolique, à une certaine, oui, réalité principielle qui est extérieure aux participants et à leurs opérations. Et ce sont les actes qui permettent de rattacher les participants à cette réalité supérieure dont le sacrement est une manifestation. Mais attention, toutes les réalités supérieures, enfin toutes les réalités spirituelles ne sont pas égales. Toutes ne se valent pas. Il y a des sacrements qui mènent à l'unité et à la sainteté, et il y a des sacrements qui mènent, enfin des sacrements si on peut dire, c'est plus des sacrements là. Il y a des opérations qui mènent ailleurs. D'accord. Donc il faut et savoir du coup, les opérations. Alors si les gnostiques faisaient de la magie outre voilà les aspects de protection contre des influences néfastes avec des talismans, etc. Vers quoi c'est censé mener en fait les opérations magiques des gnostiques, qu'est-ce qu'ils recherchaient finalement? Le retour à l'unité, voilà, la maîtrise des incohérences du démiurge, le contrôle sur les archontes, enfin le contrôle, le contrôle sur le les archontes. Plutôt, qui en fait, dans l'idée d'ascension, peut-être. Oui, alors dans certaines, dans certains textes, on a cette remontée progressive. Voilà. Et là, on arrive à un autre type de cérémonie magique, c'est pas le mot. Un autre type de pratiques opératives. Parce que cérémonie magique, ça ne rend pas du tout compte de la réalité. Un autre type de pratique opérative qui est utilisé dans certaines écoles de Kabbale, en particulier ce qu'on appelle la Maase Merkava, l'œuvre du char. Et que l'on peut appeler, enfin, en Kabbale, c'est une descente. On descend vers le cœur. Dans beaucoup d'autres pratiques, que ce soit la théurgie néoplatonicienne de Jean Blic, par exemple, ceux qui connaissent comprendront, ou bien certaines pratiques gnostiques d'après ce qu'on peut reconstituer d'après les textes. Rappelons-nous, on n'a que les textes. Il s'agit d'une ascension dans les plans. Alors, on considère dans l'image que l'on avait du monde, de l'univers, il y a 2000 ans, on considère que la Terre est au centre et qu'elle est fixe. Et qu'autour de la Terre, il y a une sphère qui est matérialisée par la Lune. Et qu'autour de la sphère de la Lune, il y a une autre sphère qui est matérialisée par Mercure. Et qu'autour de la sphère de Mercure, il y a une autre sphère matérialisée par Vénus, etc. jusqu'à Saturne. Le monde sublunaire et supralunaire, etc. Alors, sublunaire, c'est notre Terre avec l'atmosphère. Et l'empyrée, qui est une sorte de feu, qui nous on parlerait maintenant de champ magnétique, qui est au-dessus de l'atmosphère. Et puis, dans le monde supralunaire, on a les différentes sphères planétaires. Et les constellations, le firmament. Alors, ça c'est la voûte. C'est la voûte céleste. Alors, la voûte céleste, c'est conçu comme une sphère ultime. Bon, on parle de voûte parce qu'on n'en voit jamais que la moitié. C'est la sphère ultime, c'est la dernière sphère. C'est comme une sorte de globe noir piqueté de trous. Et ce qu'on voit, les petits points de lumière qu'on voit la nuit, ne sont pas des étoiles, ce sont des trous dans cette sphère dernière. Et ce qu'on voit, c'est la lumière divine qui est au-delà du monde. Alors, l'objectif, et donc, le but, c'est de remonter jusque-là. Remonter jusque-là, de sphère en sphère, pour arriver enfin à la sphère de l'archonte premier, Yaldabaoth, qui est la sphère de Saturne, parce que c'est la dernière planète connue des anciens. Et ensuite, on peut faire un autre travail, qui est le travail sur soit le dragon, soit la grande ours, puisque bien sûr, le point pour sortir de cette sphère, c'est l'axe. C'est l'axe de rotation de la sphère, c'est-à-dire le pôle nord. On sort par l'étoile polaire. Et à quoi ça peut correspondre, ça, intérieurement, quand on est dans une pratique un petit peu intériorisée, une pratique spirituelle ? À quoi ça peut correspondre ? Comme opération ou comme... Oui, ou comme état intérieur, ou alors comme passage intérieur qui va nous c'est le passage vers le... l'unité. Voilà. Eh bien, ce sont des opérations successives qui se font diversement suivant les écoles, on va dire. D'après ce que je sais, en Kabbale, sont surtout des méditations et des répétitions de noms, d'après ce que je sais. Okay. D'autres peuvent faire des rituels spécifiques aux planètes, puisque ce sont les archontes planétaires, donc aux planètes, de la Lune jusqu'à Saturne, avec, encore une fois, des invocations, des répétitions de noms, des méditations. Et éventuellement, si ces archontes sont mauvais, du coup... il faut apprendre à les connaître en nous. Pour maîtriser une chose, il faut la connaître. Tant qu'on ne connaît pas quelque chose, on n'a aucun pouvoir dessus. Et puis après, dans les textes, il y a aussi ces histoires de mots de passe, en fait. Apparemment, il y aurait... Mais là, on retrouve aussi ce schéma d'élévation de l'âme après la mort chez les Égyptiens. Alors, la question de savoir si c'était après la mort ou lors de rituels particuliers, cette fameuse ascension. J'invite tout le monde à essayer de se renseigner, de lire les ouvrages de Jeremy Nadler, Nydler, qui est un égyptologue un peu révolutionnaire, qui a écrit sur la conception du monde chez les anciens égyptiens et qui pose la thèse que les textes des pyramides n'étaient pas un manuel d'après-vie, mais un manuel d'ascension spirituelle pendant cette vie. Ah, c'est intéressant. Après, si on fait le pont avec même l'ascension du prophète Mohammed à Jérusalem, peut-être où il va passer de monde en monde sur son cheval et il va rencontrer, alors non pas les planètes, mais il va rencontrer des différents cieux où il y a différents prophètes. On est petit peu dans le même registre, en fait. On est exactement dans le même registre. On parle exactement de la même chose. Ouais. On s'élève de degré en degré. On obtient des mots de passe qui sont le signe que nous avons passé ce degré-là et que maintenant nous sommes maîtres de ce degré-là, que nous pouvons passer au degré supérieur, de place en place, on progresse petit à petit jusqu'à obtenir, alors on peut parler de libération, on peut parler de réparation, de restauration, de réintégration, ce sont des mots qui, à mon sens, encore une fois, je ne voudrais pas rentrer dans des querelles d'école, ce sont des mots qui, à mon sens, désignent la même réalité, le retour à l'état primordial. Oui, c'est ça. Mais à quel rapport avec une pratique concrète, je veux dire, pour quelqu'un qui a l'habitude, d'une messe par exemple, quel rapport entre ça, le fait de s'élever de cieux en cieux, à ce moins sont... de prendre des drogues, comment, disons, le vivre comme ça dans une pratique, disons, liturgique ou une dans pratique une... d'oraison intérieure. Tu penses qu'il y a un lien ou c'est vraiment Je ne suis pas certain que cette pratique ait été transposée dans le catholicisme, que je ne connais pas suffisamment en détail pour pouvoir en parler. Néanmoins, il existe 7 cieux de la lune à Saturne et il existe 7 psaumes de la pénitence. Je me demande si il ne serait pas possible d'en choisir un pendant un certain temps, à réciter régulièrement, à méditer, etc. Puis un deuxième, puis un troisième, etc. Et oui, on revient et on retrouve aussi d'ailleurs cette méthodologie dans la Pistis Sophia, et où Sophia, pour remonter de cieux en cieux, utilise, en fait, clame les psaumes de David, en fait, avec ses propres mots, et qui sont, mais à chaque fois, il y a les apôtres qui disent à Jésus, en fait, ce qu'elle a dit, ça correspond à tel psaume, ou à tel autre de Salomon. Donc, en fait, on a finalement peut-être des indications de pratique des psaumes qui peuvent finalement nous élever au fur et à mesure, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, la Pistis Sophia, c'est un texte assez tardif. La Pistis Sophia et les livres de Yehou, qui apparemment appartiennent au même groupe, c'est une sorte de gnosticisme tardif, mais c'est un peu un gnosticisme de façade. Parce que derrière... on retrouve, non pas du christianisme, derrière on retrouve des croyances égyptiennes et gréco-égyptiennes. Donc les mystères des livres de Yehou et de la Pistis Sophia, d'après certains chercheurs canadiens, seraient en fait une sorte de déguisement pour attirer, encore une fois, querelle de clocher, pour attirer des gens intéressés par les mystères gnostiques vers une école qui serait plutôt gréco-égyptienne. Ah oui, mais oui, on a... Après, un peu partout. C'est vrai que toutes les énumérations de paroles magiques là, dans le livre de Yehou, avec les Zarae, Azarakata, Karzata, Azozo, Zozoza, etc. Oui. Mais alors là, c'est un truc qui me dit complètement. Enfin, je ne comprends toujours pas d'où ça sort, quoi, ces mots-là. Alors il y a une hypothèse à un moment donné sur laquelle je suis tombé, c'est-à-dire que ça serait la musique copte. Il y aurait des choses en fait, qui seraient des indications de gamme musicale, ou peut-être une sorte de pratique. Je suis très sceptique là-dessus, moi. De son, en fait. Bon, après. Alors, on sait que les anciens magiciens gréco-égyptiens utilisaient énormément de mots qu'on appelle les nomina barbara, les mots barbares. Dans leur pratique magique. On a retrouvé des textes magiques du début de notre ère qu'on appelle les papyrus grecs magiques. Ils sont extrêmement intéressants à consulter. Est-ce qu'on a retrouvé Abracadabra alors ? Non, c'est plus tardif. C'est plus tardif. Abracadabra. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que ces noms barbares, il y a eu beaucoup d'analyses de fait dessus, ce qu'on sait, c'est que ces noms barbares étaient en fait des phrases ou des mots dans d'autres langues que le grec ou l'égyptien de la basse époque, qui avaient été transcrit en caractère grec. Il peut s'agir de mots égyptiens transcrits en grec, il peut s'agir de mots syriaques ou même de mots. Je pense pas qu'il y ait de mots sumériens, c'est trop vieux. Composite, non. Là, non, il n'y a pas de mots composites. C'était une tentative de transcription de mots d'une langue étrangère, un petit peu comme quand nous essayons de transcrire des mots chinois. On fait des erreurs. Oui, on fait forcément des erreurs parce que le chinois a des prononciations qui sont assez différentes. Ou des mots arabes, même chose. Il y a des sons de l'arabe que le français n'entend pas. Et la transcription du sanskrit est plus facile. Pour en venir à ces histoires-là, donc les magiciens gréco-égyptiens utilisaient dans leurs rituels et leurs cérémonies des termes en langue étrangère, selon le principe que les dieux ont l'habitude qu'on s'adresse à eux dans une certaine langue et que donc il faut continuer de s'adresser à eux dans cette langue-là pour pouvoir se faire entendre. Donc, quand on invoque un dieu égyptien, eh bien, on lui parle en égyptien. D'accord. Bon. Alors, les gens de ces écoles gnostiques, comme celle de la Pistis Sophia ou d'autres qui avaient des séries de voyelles et de consonnes, je me demande si ils n'auraient pas utilisé le même principe de prononcer des mots dans des langues incompréhensibles, mais au lieu de transcrire des mots d'une langue existante, ils auraient composé eux-mêmes des noms magiques ayant des sonorités impressionnantes. Hein, la Il n'y série aurait des pas pour toi oiseaux. de, oui, il n'y aurait pas pour toi d'une règle logique. Non, non. D'accord, c'est Pour moi, il n'y a vraiment pas de pour règle logique. créer une atmosphère, quoi. Il y a soit la récupération d'éléments de vocabulaire grec ou d'autres langues, soit simplement la récitation de sonorités. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'associait pas une signification particulière au son. Je veux dire une signification symbolique. Oui, parce qu'on retrouve ça dans le Marsan, Ouais, Marsanès, Marsanès, oui. malheureusement, il est incomplet. Et voilà. Puis, faut connaître un peu la linguistique. Moi, je ne connais rien du tout, donc j'ai vraiment nagé. Mais il y a à quoi correspondent les Là, semi-voyelles, les voilà. diphtongues, à quelle réalité, en fait, Je spirituelle ça correspond. ne pensais plus au texte de Marsanès, mais en effet, on a là tout à fait l'exemple type, Fascinant. attribuer une valeur symbolique aux différentes lettres. D'ailleurs, c'est fait également en Kabbale, dans le Sefer Yetzirah, qui date de cette époque-là. Il a été écrit quelque part entre le 2e et le 6e siècle, probablement. On sait qu'il a été écrit après la destruction du Temple, on sait qu'il a été écrit lorsque le Talmud a été terminé. Donc, quelque part entre le 2e et le 5e, 6e siècle. C'est-à-dire l'époque où les gnostiques étaient en activité, on va dire. On a des significations symboliques associées aux lettres hébraïques, avec pour chacune une planète, une vertu, etc., ou un signe du zodiaque. Il n'est Non, pas impossible que des écoles gnostiques aient fait la même le chose. même travail, mais On c'est voit. assez curieux parce qu'on retrouve dans la même époque ce travail-là dans le tantrisme en Inde. Et la grande époque du tantrisme, c'est justement aux alentours du 4e, 5e, 6e, 8, jusqu'au 10e siècle, en fait. Bon, c'est peut-être un peu plus tardif, mais on a déjà des traces en fait de ce genre de travail sur toutes les syllabes, gemmes, la symbolique et puis surtout aussi l'effet que ça a sur le corps subtil, etc. Oui. Donc là, c'est curieux qu'on est Allez, plus ou moins dans l'idée circule, ouais, complètement. l'idée circulait. On a une façon de faire qui s'est répandue un peu partout. Alors savoir d'où elle est originaire. Et on retrouve un peu aussi cette idée. Alors peut-être toi, ça va peut-être justement être plus ton dada, mais il me semble chez Edward Kelly, les mages du grand siècle, en fait, non? Alors, Non? Edward Kelly était plus voyant que magicien, mais Oui, alors alchimiste aussi. c'était Il était alchimiste également, c'était exactement. John Dee. Oui, Alors, John Dee, ouais. c'est. Non? On Oui, retrouve un peu ça, mais cette. c'est pas très abouti parce que ils ont reçu, hein, lors de séances de clairvoyance avec un cristal, ils ont reçu un alphabet magique. C'était la grande époque des alphabets magiques. On avait Agrippa, quelques temps avant, qui avait publié sa philosophie occulte avec quelques alphabets magiques dedans. Et on sait qu'il y en a plusieurs qui circulaient. Et quelques temps avant, un certain Trithème, Jean Trithème, un abbé, avait également sorti sa cryptographie où il présente des variantes de l'alphabet hébreu, reprises par Agrippa. Donc c'était l'époque des alphabets magiques. Mais l'alphabet magique reçu par Kelly et Dee, enfin par Kelly et transmis à Dee, n'y a pas de symbole particulier associé aux lettres. Elles ont D'accord. un nom et elles ont un son, d'ailleurs qui ne correspondent pas du tout. Mais D'accord. on n'a pas de valeur symbolique, Ah tout au oui. moins on n'en a Il n'y pas a pas trace. le. OK. Il n'y a Non, pas la non. recette. Il n'y a pas la recette, Il non. faut la trouver soi-même, c'est ça? Bah, mon point de vue, c'est qu'il faut la trouver soi-même. C'est que c'est une D'accord. recherche intérieure. D'accord. Que le, Et puis en le, ou plus, alors il nous manque c'est des lié papiers. à ce qu'il disait, c'est que c'était en fait l'alphabet d'Enoch, du Alors l'alphabet, prophète en fait, c'est Enoch, c'est l'alphabet ça l'alphabet? adamique. C'est l'alphabet L'alphabet, adamique. Dans les textes de. la langue que parlait Adam, en quelque Oui, sorte. c'est ça. Dans D'accord. les textes de Dee, on ne parle pas d'alphabet énochéen, ni de magie énochéenne, ni de langue énochéenne. On parle de la langue adamique. C'est la langue primordiale de l'humanité. Mais il ne faut pas oublier que cette recherche de la langue primordiale, elle joue un rôle fondamental dans Pour moi, la l'histoire de langue l'Europe au primordiale, oui, pour XVIe moi, la langue siècle. primordiale, c'est la langue des signes. C'est même pas certain. Non, mais à l'entendre aussi à la manière alchimique, le signe comme. Ah oui, d'accord, Oui. j'ai compris. Oui, tout à fait. Oui, là, je vois, oui. Il Ouais. y a un auteur italien, Umberto Eco, qui a écrit À la recherche de la langue parfaite, que je conseille à tout le monde. Voilà, La recherche de la langue parfaite. Et qui fait le point sur justement cette recherche d'une langue originelle perdue. Un peu la parole perdue de certains. Et cette langue originelle perdue, eh bien, on a pu y voir l'hébreu, évidemment, l'égyptien ancien, le sumérien. On a même vu le gaélique irlandais. Le sanskrit, mais non, quand Ah, même. mais en Europe, en Europe, hein, en Europe, on est eurocentrique. Au XVIe siècle, jusqu'au XXe siècle, on est Ah oui, puis le eurocentriste. sanskrit ne devait pas être très connu à cette époque-là en Europe, c'est vrai. Non, il a été à partir du XIXe siècle, lorsque Ouais. les Anglais se sont vraiment installés. On savait que ça existait hein, dès le XVIe siècle, hein, dès les premiers comptoirs portugais, mais c'était pas le cheval de bataille des Européens. Il fallait que ce soit centré sur la Bible, évidemment, de préférence. Et pour revenir aux gnostiques, donc ces onomatopées, ce serait peut-être alors la langue, soit une langue barbare pour donner des effets d'impression, soit peut-être, bah, finalement, de ce que tu dis, une langue, ou en tout cas une indication d'une langue que parlaient Sept, peut-être, parce qu'on Non, parle, non, non, non, ça me on surprendrait n'est pas là, beaucoup. on n'est pas là Ce non plus. mode de pensée, n'existait pas à l'époque. D'accord, ok. Cherchez L'idée d'une pas, langue on cherchait pas. originelle, Non, ça, non, on c'était cherchait pas pas la langue originelle. d'accord. On n'est pas L'idée dans d'une ce langue originelle, registre. D'accord, ok. c'est venu beaucoup plus tard, Ok. dans l'Europe chrétienne. À D'accord. l'époque, il ne faut pas oublier non plus que la diversité linguistique du bassin méditerranéen oriental de l'époque était immense. Immense. Bah oui, c'est clair. Ça n'avait rien de commun avec notre situation actuelle. Maintenant, en particulier au Moyen-Orient, on a différentes variétés d'arabes qui ont pris le contrôle de l'ensemble de la région, mais à l'époque, il y avait plusieurs dialectes égyptiens, il y avait plusieurs dialectes grecs, même s'il y avait une langue commune qui unissait un petit peu toute la région, il y avait plusieurs dialectes syriaques, il y avait, enfin, syriaque, c'est le descendant de l'araméen, plusieurs dialectes araméens, si on veut, il y avait toutes sortes d'autres langues qui circulaient parce que les gens voyageaient beaucoup. La route de la soie était active. On avait des marchands venus du Pakistan, enfin de ce qui est maintenant l'Afghanistan, le Pakistan, l'Inde et même la Chine. On sait que les Romains importaient du riz. On sait que les Romains connaissaient la soie. On sait que les philosophes connaissaient le bouddhisme et différentes philosophies indiennes. Le monde n'était pas fermé. Le monde était ouvert. Et donc, on savait qu'il y avait une infinité de langues. Bon, quelques D'accord. milliers. Bon. Bah, du coup, on n'en saura pas plus sur ces fameux écrits. Enfin, Non, c'est bon. ça On reste pourra peut-être les mystérieux, retrouver. On mais pourra peut-être les retrouver un peut-être, jour. peut-être. Pour moi, c'était une question de D'accord. construire une ambiance. Construire une ambiance par répétition de sonorités, qui était probablement chantée. Parce que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on sait que les Égyptiens, d'après les philosophes grecs, utilisaient les sept voyelles. Sept voyelles dans une langue comme l'égyptien, qui était qui est une langue du groupe sémitique, qui a probablement trois voyelles brèves et trois voyelles longues comme l'arabe. Ça me semble surprenant, mais on sait aussi que les Grecs, eux, associaient chacune des lettres à une note de musique. Donc il est très probable, chacune des voyelles, pardon, chacune des voyelles est une note de musique. Donc il est très probable que pour les gnostiques, les voyelles devaient être prononcées sur une note particulière. D'accord. Alors, lesquelles? Ok. Bon, là, on commence à, on a largement dépassé notre temps. Bon, ça va, on Oui. n'est pas sur France Inter. Mais je te propose que pour l'instant, on s'en arrête là. Oui. On a fait un survol de pas mal de sujets. Pour les chrétiens, du coup, peut-être un petit peu être sur leur fin, parce que finalement, on n'a pas parlé de Jésus. Ah non, ah non, mais c'est. Mais en fait, on a introduit tous les éléments pour après parler de Jésus finalement dans la gnose. Oui, Et oui, mais ça bon, c'est ce compliqué, hein. sera, et oui, C'est très mais ça compliqué. sera peut-être une autre occasion. Hein. Oui. Bah, ça pourrait être intéressant de, voilà, de maintenant, après parler de Jésus, évidemment. C'est un sujet complexe. ouais. Mais Là, voilà, nous. le but, c'était, voilà, introduire un petit peu le gnosticisme, le fameux dualisme de gnostique, la notion de demiurge, etc. Et puis, les pratiques aussi magiques, les pratiques des gnostiques, et comment ils pouvaient concevoir les sacrements, à quoi ça pouvait aboutir. Voilà. N'a pas Et beaucoup parlé voilà. des sacrements sur les Oui, gnostiques, non, mais on n'en oui, on a sait plus rien. parlé. On n'en Merde, sait peut-être. quasiment rien. C'est C'est ça. ça, Et on aura c'est quasiment rien. l'occasion, si tu veux, si tu as envie de revenir ou parler sur le podcast, on Ben pourra oui, choisir mais d'autres thèmes, hein, parce que oui. on aura de quoi faire. Moi, je te Hein. remercie. Moi, je te remercie beaucoup de me donner cette opportunité, Et oui, et donc, bah, parce alors que quand même un c'est petit peu, quasiment je te une fais un, tribune pour moi. ben oui, mais je te fais un peu de C'est ah promo oui, de c'est ton ça. livre, donc Hierosolis, les enfants de Seth, regard sur les premiers gnostiques aux éditions Hermésia. un gros bouquin quand même qui est, je trouve que oui. Le rapport qualité-prix est très très honnête. Ça a commencé par un petit pamphlet d'une vingtaine de pages. Ah oui, bah maintenant, il y en a Et combien? Il je y en me a suis 400. rendu compte que j'étais arrivé à 400 C'est passés. ça. Et donc, voilà, j'invite tout le monde, pour ceux qui vraiment se perdent dans le gnosticisme, à se procurer ce bouquin, parce que c'est vraiment une synthèse très intéressante. Et puis après, voilà, et surtout, il y a des citations, c'est-à-dire que c'est étayé par des citations bibliques et aussi des citations des Oui, textes gnostiques. Ce n'est pas juste voilà, des idées et des avis. tout le monde n'a pas à Étayé. disposition les textes gnostiques. Voilà, surtout qu'en plus, après, bon, alors pour ceux, voilà aussi, les textes de Nag Hammadi sont accessibles hein, en ligne gratuitement. Oui, Mais par oui. contre, pour les comprendre et les étudier, il faut se lever tôt le matin. Oui, exactement. C'est ça. Et du coup, c'est bien d'avoir un bouquin comme celui d'Hervé qui peut nous éclairer pour ça. Bah, merci Hervé. Alors, la tradition qu'on a commencé à instaurer à l'archipel, c'est choisir une musique, pourquoi pas, voire une prière que tu pourrais nous dire. Tu as choisi une musique, il me semble bien, non? Oui, Alors, je vas-y, suis dis-moi resté ce qui assez nous... classique Ok, très bien. et j'ai préféré choisir une musique de Bach, Ah, Herbar magnifique. Meddy, Très bien. tiré d'un de ses oratorios. Très bien. Eh bien, on va écouter ça en pensant à toi et puis en pensant à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà. Eh bien, je te remercie, Hervé. C'est moi à qui la te remercie prochaine. Beaucoup, Morgane. N'hésite pas À si une tu prochaine veux fois. Réintervenir dans le podcast. Ça sera avec grand plaisir. Et à moi aussi, ce sera un grand plaisir pour moi. Allez, salut. Passe à une bonne bientôt. Journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Thank you.